Ok. On dirait que BC. Disponible sur iTunes. Allez choper la famille. Allez-y. Toutes les plateformes de téléchargement. Faites péter BBC la famille. Je remercie ceux qui l'ont déjà fait. Big Ben. Nous suivons, nous soutiennent. Merci. Big Ben. BBC. On va les benzer. Ouais. Oui. On va les benzer. Ouais. Si tu sais rapper, c'est pour la vie. Rose, c'est comme le vélo. Amy, je suis pas ta fille, non, je suis pas ton vélo. Surtout surveille ta fille, elle vit droit au télo. Baisse le front que sur ta pile, même si tu charges le cello. Un silencieux pour t'accueillir, mec, manque pas de Pérez. J'attaque comme le Real, Florentino Pérez. Si t'es prêt à baisser le froc, nous ramène des VS. DJ ça, t'éteins la prod, bro, y'a pas de stress. J'arrive pas excité, je repars avec le barreau. Un jour c'est toi, un jour c'est moi derrière les barreaux. Quand je vous écoute, je vois aucun MC, je vois que des blagueurs. J'ai pas besoin de 50 personnes, mon équipe c'est mes backers. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. CRCR, Gary Benzema. Sans retarder mental, pour ça je leur fais un schéma. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, faites place à la BBC. C'est Karim Benzema. Son retard est mental, pour ça que je leur fais un schéma. KB numéro 9, je m'approche de la Joka. Pour le moment j'ai rien, bientôt je balance du Shaka. Vends les chemises, tu que cras, moi je vends juste du que cras. Des caméras un peu partout, pour ça que mes gros sont mes cras. Ma pizza, plus grande qu'un anaconda. T'as pas écouté le Ronda, t'as volé des Honda. 11, 7, 9, c'est ça du trio. En direct de Skyrock, c'est bandé comme un Rio. Que les MC me tranquille, j'ai pas le temps pour leur chichi. On nique les meufs, nique les gueules, je m'en go poto chichi. Comme Karim Benzema, je vais percer les filets. A force de faire du sale, j'ai dû laver mon stylet. Biggie Ben, celle-là c'est pour nous aimer. Ouais. Tu as deux doigts de niquer vos mères, ça sert à rien de freiner. Qui peut t'aise dans la tête, ça passe en gogo. S'il s'avance qu'est une arme, gros, j'en aurais beaucoup. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, fait place à la BBC. CRCR, Gareth Bale, Karim Benzema. Son retard est mental, pour ça je leur fais un schéma. Les victimes sont là-bas, mais les balles viennent d'ici. Attaque phénoménale, fait place à la BBC. CRCR, Gareth Bale, Karim Benzema. Son retard est mental, pour ça je leur fais un schéma. Les victimes sont là-bas, mais les boys viennent d'ici. Viennent d'ici. Attaque phénoménale, vu de place à la BBC. À la BBC. CRC, Gareth Bale, Karim Benzema. Karim Benzema. Sans retarder mental, pour ça je leur fais un schéma. Je leur fais un schéma. Les victimes sont là-bas, mais les boys viennent d'ici. Viennent d'ici. Attaque phénoménale, vu de place à la BBC. À la BBC. CRC, Gareth Bale, Karim Benzema. Karim Benzema. Sans retarder mental, pour ça je leur fais un schéma. Cheer. Il y avait Big Ben à l'instant avec son morceau BBC. Si, si. Homicide était là avec nous. Fares aussi. Pour cette nocturne en live avec le label LGB. À l'honneur, Yacine aussi. Merci, frère. Qui est là. Sad Music aussi, frère. Et voilà. Sad Music aussi, qu'on salue évidemment. Ouais. Avant de se quitter, je propose qu'on remette un son de chacun. Parce qu'on a un petit peu de temps encore. Vas-y, un dernier mot, vite fait. Vas-y. Un peu de pub, frère, si tu permets. Vas-y. On donne de la force aux frères indépendants. Pour tous ceux à Lyon qui veulent des voitures de location, prestige, etc., etc., Booba des UC, allez chercher. Il y a du lourd. Il est là, il est opérationnel. Il y a 2-3 rappeurs qui sont avec nous. Ouais. Venez les présenter. Paquito, vas-y. Paquito, allez voir sur le net. Franchement, ça vaut le détour, du potentiel. Je veux aussi. Bambino, allez-y Bambino, voir. Paquito, allez chercher. Vous inquiétez pas, Bambino. C'est Bambino, du lourd, ça vient de Lyon. Avec son clip Mourinho, allez le voir sur YouTube. C'est du sale. Allez. Merci Fred, en tout cas, de nous avoir reçu. Merci à Karim pour la force qu'il a donnée à Ben. Merci Coco. Et merci à lui pour Coco. Ce qu'il a fait pour l'équipe de France et à toute l'équipe de France. Voilà. Et bah avant de se dire au revoir, on finit avec un morceau de chacun. On met dans la brousse pour Fares. Ça vous va? Allez. Pour Homicide, qu'est-ce qu'on met? Balotelli ou. Franchement. C'est lui qui voit. Ah, Pélo de mon espèce. Pélo de mon espèce, très bien. C'est pour les gens de Lyon, en plus. Lyon, Pélo. Voilà, tu vois. Même tu sais. Ça vient de chez nous. Voilà. Et puis Big Ben, je sais pas si tu veux qu'on mette Bresson ou. Ouais, je vais. Ils le savent. Ils le savent, mais avant ça, je veux faire une petite dédicace au gros Yacine. Si, Yacine aussi. Et au petit GG. Et voilà. Et ben on va tout finir avec Big Up Aichon. Pour de vrai, en dehors du game ou dans le game, il y en a qui nous soutiennent en dehors du game. Beaucoup, beaucoup. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et ben, on va se dire au revoir dans un instant. Juste avant, on finit avec les morceaux. Fares dans la brousse, homicide, pelot de mon espèce. Et Big Ben, ils le savent. Retrouvez-nous. Sur Facebook, Twitter, Instagram. 6-9. Ouais. 9-3. Dans la brousse. Ouais. Le trafic est saturé comme ton réseau quand t'as de la bonne pelouse. T'as les mains faites pour l'or, t'as tes shoes dans la bouse. Dans la brousse, surveille les singes à la fenêtre. Le bise fait net, des sacrés bâtards au moindre écart, ils te la mettent. C'est lui, c'est l'autre, le juge frappe, c'est la célotte. Écarte les jambes, fesse-toi, pousse. Bande de salopes, du shit en lamelle, un secteur, tu sais comment ça se passe. En une passe, tu peux te refaire, et si ça foire, on te défaire. On te dévore, si t'es faible, laisse aucune faille visible. Bouge en sous, mais ferme-la, faire confiance est nuisible. Ce soir, ça sent le pied de biche chez les riches. On fait comme les riches, on triche pour être riche. La gamelle au resto, du métro, au gamos. Tu brasses, tu coules, tu fanes, t'arroses. L'argent, les femmes, les flammes du mal. Un gramme, deux grammes, t'es sur les rails, mais pas celle du tram. Draham, draham. On veut le coffre à Picsou, on pisse ou on traîne. Reste pisse ou on traîne, on s'entraîne sur ta face. Au droit pénalty dans le nez, un coup franc dans l'œil, tu t'effaces. Ça s'évitera de le jeter. 800, GP, casse-croûte, pousse-toi. File de gauche, rafale, McTen, couche-toi. Vacances, bolide, soleil, playa. Équipe de Merboul, complètement faya. Cerné, trop de soucis, pas d'humeur à faire du social. Casse pas les couilles, continue de pousser à la salle. Histoire, légende, les gens parlent sans savoir. Rumeur, tornade, une armée sans le savoir. Ça va, une murette, un pack de 6. Minuit, roule un pili pili triki. Chiriki, chiriki, ben ouais tu nous connais. LG, bim bim, appelle-nous les Lyonnais. Du son, voilà ce que les vrais scandent. On est sur le terrain, t'es dans les gradins, donc reste tendre. Quartier rouge, crash hopper, bulldog, vive l'Hollande. Bubblegum, follow me, si tu fuck Hollande. On se connaît, on s'est croisés, tout sait, crois-moi. Au quartier, ça parle plus que la vieille et son chihuahua. Le power dominé, pas les coups que tu me trouves mignon. J'rappe, c'est du hard, nous mélange pas, c'est bouffon. Note la plaque du bolide, on arrive à Mac 10. LYO, des gants, un tournevis, on retourne la Suisse. Toujours sur l'offensive, index est miné. J'suis un élément dominant, pas les couilles d'être nominé. Écoute les ruminés, choqué de ce qui se passe sur la rue Mira. Toujours sur le terrain comme Miro, j'représente Mera. Nick Néré, c'est patrouille, ça part à la roupe quand ça rouille. Ça roule, à part ça, ben ça roule. Ben ça roule. Ah ouais. J'écris pas, c'est ligne au pif. Comme dit Salim, on fera toujours la gif, fera toujours la gif. Ça vient de la zone, qu'une chose en tête, faire du bif, faire du bif. LG Bim Bim, LG Bim Bim, tu te rappelles de LG nous, Bing, PD, Bing. Rappelle de nous, PD. 69 Roya. Lyon, on Le est là. Lyon. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. LGB. Boy. 69. LGB. LGB. Homicide. Sad musique. Homicide. Pélo de mon espèce. C'est les pélos de mon espèce. Les pélos de mon espèce. C'est à cause des pélos de notre espèce. Un chronique, j'plane comme un jet. Mal poli devant le respect. Seul Dieu contrôle la manette. Dans le rétro, j'vois ta charrette. Mes frères ne sont pas nets. Que de l'espèce, on veut pas de check. Si tu joues les genoux, non t'exorcise. On t'excise comme les Touaregs. J'habille à t'scoffe ton barret. Avance, nettoie l'arrêt. Elle a le trou comme une canette. Rien que ça se dilate sans arrêt. J'parle mal, oui, je le sais. J'rappe ça, oui, je le sais. Plein le sang dans mon labo. J'l'escalpe, c'est comme des trophées. Nous mélange pas à ces bouffons. On a piaf toute la potion. Dans la bouche ils ont des grosses bites. Des problèmes d'élocution. Pélo que des braves chez nous. Laisse les mythos jouer des stars. Que du sas chez nous. Monte le son, 6-9 show que des banlieues sombres. Ville lumière dans le royaume des ondes. Si je les énumère toutes, ils te poussent des ondes. PDT, MG, shit. Tous les chemins mènent au chisnit. Les pélos de notre espèce. Ça charcute à ton pique-nique. Les pélos de mon espèce. Des pélos de mon espèce. Ta bitch elle aime quand c'est large. Elle recherche des pélos de mon espèce. Des pélos de mon espèce. Des pélos de mon espèce. S'il y a une porte blindable, ça cause des pélos de mon espèce. Des pélos de mon espèce. Des pélos de mon espèce. espèce. Si devant chez toi y'a les decks, c'est qu'ils cherchent des pélos de mon espèce. Les pélos de mon espèce. Les pélos de mon espèce. S'il y a des barreaux aux fenêtres, c'est à cause des pélos de mon espèce. Ça prépare un boulot remèche. Et même pas ça maillette. C'est l'ex 692 double 0 les maquettes. L'ex n'est pas au rap lyonnais, vieille la quête. Nous on parle javanais et nos armes parlent tchèque. Tchèque, j'ai le flow à Mobutu et il est cavale. Ferme ta gueule, fils de pute MC Aval. Laisse passer mon équipe de garçons gaulais, j'ai dit. Laisse passer mon équipe de garçons mauvais, rouleau dans la cocoche. Les rapaces font au cocof. DSM, venez pas vous frotter à nos baloches. Un pied dans le cercle familial, l'autre dans la débauche. Dans ton cul, mon bras droit, dans la chatte du rap français, mon bras gauche. C'est gratos, tout le troupeau si tu cherches la petite bête. Vas-y, tourne autour du pot et on te le pète sur la tête. Tu veux savoir d'où on sort, on le sort contre réserve. Chargeur plein, comme les couilles négro, jamais en réserve. Des pélos de mon espèce, des pélos de mon espèce. Ta bitch elle aime quand c'est large, elle recherche des pélos de mon espèce. Des pélos de mon espèce, des pélos de mon espèce. S'il y a une porte plein d'arbres, c'est à cause des pélos de mon espèce. Des pélos de mon espèce, des pélos de mon espèce. Si devant chez toi y'a les decks, c'est qui cherche des pélos de mon espèce. Des pélos de mon espèce, des pélos de mon espèce. S'il y a des barreaux aux fenêtres, c'est à cause des pélos de mon espèce. Marianne me tend ses gros bzesses, des sauts buts à la grosse fesse. Plein de gingembre dans ma recette, je lève son boule comme un trophée. Je fume en l'honneur tes obsèques, ce qui corne l'honneur de mes ancêtres. Je mène les rappeurs au pain sec, ma team digère le buffet. Je respecte mes frères qui se salissent, respecte mes frères ceux qui s'allient. Ils se nettoient sans comme une calice, sont pas dépendants du rallye. Tout seul on fait les fétis, ouais tellement qu'on fait la diff. Un con fait doubler la mise, pendant que les autres y faiblissent. La drogue, les femmes, les tentations, l'alcool, les armes, les plantations. La mort, les larmes, les francs-maçons, ceux qui font de macabre incantation. Y'a pas de calice ici, mais nos meufs redavent les villes-ci. Reste pas trop près des vitrines, car la crise rend méro imprévisible. On veut de l'argent suisse, on veut de l'argenterie, fuck la gendarmerie. Nos jours, les jeunes sont OP, plus de gain qu'une armurerie. Pilonnage dans les caves, de voile et tac la roue arrière. Un molard dans ta vieille face, comme les favelas, provoque ta fin de carrière. Des pélos de mon espèce, des pélos de mon espèce. Ta bitch elle aime quand c'est large, elle recherche des pélos de mon espèce. Des pélos de mon espèce, des pélos de mon espèce. S'il y a une porte plein d'arbres, c'est à cause des pélos de mon espèce. Des pélos de mon espèce, des pélos de mon espèce. Si devant chez toi y'a les decks, c'est qui cherche des pélos de mon espèce. Des pélos de mon espèce, des pélos de mon espèce. S'il y a des barreaux aux fenêtres, c'est à cause des pélos de mon espèce. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Sam Music. G. Biggie Benny. Ah. Gros big up à mes tolards, Chipster. Biggie Benny. Ils le savent, ils le savent. Un fois bon dire que je suis le meilleur négro. Ils le savent, ils le savent. Un fois bon dire que je suis le meilleur négro. On va les baiser, puis on va les benzer. En cas de victoire ou défaite, on nique tout comme les Jay-Z. Non, je tape pas la cheveux blanc, mais refonte que la débité. Y'a des pains sur la cheveux blanc, dans shit on a débuté. Biggie Bun, ils savent c'est qui le trompe pas. Une vie ça coûte cher, donc MC ne te trompe pas. Je lui mets seul dans la teja, y'a pas besoin d'être beaucoup. Elle joue un rôle quand elle joue, et peut-être que ta vie est trop court. Ha ha ha, prends le pas mal, je blague. Comme dirait Zizou, cousin, arrête de claque. Arrête de claque, arrête de claquer. Mes potos vendent la bombe, donc les chemises sont aux aguets. Ils le savent, ouais. Tu vois comment le nier. Ça charbonne toute l'année dans l'espérance de briller. Ils peuvent pas nous blairer, je suis trop loin pour ces bâtards. J'oublie pas mes origines de Saint-Louis jusqu'à Dakar. Mais pas qu'on est dans mes affaires. Mais le temps là c'est là. C'est ce qu'il me reste à faire. Dans le rap je vais tous les guettera. Par ici la monnaie. Par ici ils le savent. À toi pour dire que je suis le meilleur. Mon négro ils le savent. Ils le savent, ils le savent. À quoi pour dire que je suis le meilleur négro. Ils le savent. À quoi pour dire que je suis le meilleur négro, ils le savent. J'suis pas le genre de mec qui s'use juste pour ses pères. Moi j'veux du bif, mais bien la mif. Mes potes, ma mère et mon père, ils sont démodés comme les Chambala. Ça des Timothée, mes prods peuvent être que Hella. Allume pas ta télé, trop chaud pour l'écran. J'ai vu des petits de mon âge maltraiter des grands. Pour respirer mon air, faut plus de respiration. Pour écrire mes tueries, faut plus de l'inspiration. J'suis que de passage, comme l'écriture dans le sable. À quoi bon dire que j'suis le meilleur, mon négro, ils le savent. Oui, j'suis que de passage, comme l'écriture dans le sable. Disponible, à quoi bon dire que j'suis le meilleur, mon négro, ils le savent. Mais pas tourner dans mes affaires. Ça vient de Lyon. C'est là, c'est ce qu'il me reste à faire dans le rap, j'vais tous les guettera. Par ici la monnaie, par ici les sables. À quoi bon dire que j'suis le meilleur, mon négro, ils le savent. Ben, à l'instant, pour conclure cette nocturne LGB, merci à vous, merci à Homicide, à Fares. Merci à toi aussi. Merci à toi de nous avoir reçu. Bonne chance pour la suite, en tout cas. Super, merci beaucoup. Yacine, je te laisse le mot de la fin, hein, le boss de ce label, LGB. C'est gentil, le mot de la fin, on va refaire un petit tour de promo. Attends, mets le casque si t'attendu pas, ouais. Juste, voilà. Yes, donc Big Ben, son single disponible sur iTunes et toutes les plateformes de téléchargement, je le répète. Son projet qui arrive, le futur qui est présent pour fin 2014. Donc d'ici là que le projet arrive, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actualités sur les réseaux sociaux, sur son mur, sur Facebook, etc., etc. À suivre de près. Il y a Homicide qui nous prépare aussi pas mal de projets. Là, on a pu découvrir Mariachi et un freestyle. Hein, c'était assez court, on va dire, sur Homicide. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Ça déjà. Arrive très énervé. Ça arrive énervé, ouais. Il y a déjà des choses sur iTunes. Il y a encore des choses à découvrir, du frais, du neuf. Et Fares, pareil, qui arrive aussi avec pas mal de projets. Ça va taper dur 2014-2015. Je pense que c'est la saison. Avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, le rap lyonnais, il va commencer à s'imposer dans le décor, je l'espère. Et avec votre aide, bien sûr, les médias du rap, quoi. Ouais. On est ouvert à tout, quoi. On est ouvert à toute proposition. On cherche à travailler avec que des gens sérieux. On cherche à évoluer, à faire évoluer notre musique. Et c'est ça qui nous réunit aujourd'hui ici. Et voilà, on a de la force à tous les indépendants. Il y a les petits rappeurs qui sont là, Paco. Ouais, ils sont là, on les voit. Ils sont là. On leur donne Paquito, etc. On leur donne encore de la force. On donne de la force à Booba avec ses locations de véhicules. On donne de la force à tous les indés de France et de Navarre. Ouais, et accrochez-vous, tapez dedans. Et le travail, ça paye. Eh ben merci en tout cas, t'en es la preuve. Merci à vous tous d'ailleurs d'être passés dans cette nocturne. Si. Merci à tous ceux qui étaient là, l'équipe derrière là. J'ai... Ouais, les bons. La grosse équipe. Petite dédicace pour Chipster, la maison d'arrêt, Bourg-en-Bresse. Ouais. Pour nos frères incarcérés. Si. Voilà, pour tout le monde et à tout le monde. Hein. Et bon ramadan à tous ceux qui font le ramadan pendant ce mois. Eh ben merci à vous en tout cas pour ce début de nocturne, un très bon début de nocturne. Ça rappe tout le com à tous, hein, parce que nous on va retourner manger. Ah bah là c'est l'heure, on peut y aller. Là, allez-y, avant l'aube. Allez, super. Ciao, merci à vous en tout cas, merci à vous, label LGB, label à suivre du côté de Lyon. Yes. Merci à vous tous, à tous ceux qui sont passés. Merci à tous aussi. Merci à Karim Benzema qu'on a eu en ligne en début d'émission. Surtout à lui. Et puis à tous ceux qui étaient là dans le studio là. Ouais, les agités du drapeau là, je vous ai vu avec les drapeaux les gars. J'ai vu tous les drapeaux. Cambodge, Algérie, Sénégal. C'est l'unité dans la différence. On réunit les Albanais, les Algériens, les Tunisiens, tout le monde. Toutes les communautés. Ouais, c'est la France. Black, blanc, beurre, comme on disait. Merci à vous tous en tout cas pour cette belle nocturne. La nocturne qui continue encore pendant une bonne heure. Ciao. Planète Rap. Sur Skyrock. Nocturne. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Même pas moi. Même pas moi. Même pas moi. D'accord? D'accord? D'accord? D'accord? D'accord? enfant du pays. J'étais scolarisé en kaki, au bol de Baka et quelques gnomis. Le sac dos à dos jusqu'à l'école de Macquarie. Comme un petit commando, je connaissais mon croquis. La direction de la chicote, trop de coups j'ai acquis. J'aimais pas l'école, je préférais traîner avec mon husky. Je faisais tout en stress, mais la chicote, je pouvais pas vesti. Y'avait celle de mon père quand il était sous whisky. J'aimais les garbas, le matatik et garba. Un cube de magie pour bien tabac. Il faut un tour de magie pour pas se faire tabac. Je m'entraîne au kata comme un karatéka. Mon père m'a formé très tôt, c'est pourquoi je suis costaud. J'ai mes restes en apnée comme le commandant Cousteau. Parce que les coups sur moi c'était trop du costaud. Badoula le récalcitrant demande au poteau. Je suis comme mon père, un homme de caractère. Je veille sur mes sœurs, je veille sur mes frères. Je suis comme mon père, un homme autoritaire. Un vaillant solitaire, un guerrier militaire. Je suis comme mon père, un homme de caractère. Je veille sur mes sœurs, je veille sur mes frères. Je suis comme mon père, un homme autoritaire. Un vaillant solitaire, un guerrier militaire. Je suis pas de ta génération donc fais attention. Je suis un enfant de la rue qui remplit ses missions. Même les plus critiques, je chahète contre la pression. Ivoirien et fier, je prie pour la nation. J'ai l'Afrique dans mon cœur et la musique en passion. J'oublierai jamais d'où je viens, je ferai aucune dérivation. Je reste fier toute ma vie malgré les conspirations, les dégradations et les mauvaises actions. À chacun son destin, pas besoin de faire un dessin. La vie elle déteint, y'a trop de masse. Je garde toujours mes distances au cas où y'aura un pépin. Je méfie trop de mon entourage, y'a trop de requins. Le meilleur ami de l'homme, c'est sans doute le chien. Faut sucer pour réussir comme le font les tapins. Je suis de ceux qui sont fiers d'être africains. Ne pense pas que je ne vois rien, parce que je n'y vois rien. Je suis comme mon père, un homme de caractère. Je veille sur mes sœurs, je veille sur mes frères. Je suis comme mon père, un homme autoritaire. Un vaillant solitaire, un guerrier militaire. Je suis comme mon père, un homme de caractère. Je veille sur mes sœurs, je veille sur mes frères. Je suis comme mon père, un homme autoritaire. Un vaillant solitaire, un guerrier militaire. Depuis tout petit, j'avais ce problème, trop impulsif. J'étais hyperactif, trop de nerfs dans ma nature. J'étais le phénomène à la recherche du pif. La rue c'était mon kiff, je marchais pieds nus pour atteindre mon objectif. De commune en commune comme un jeune fugitif. Je désertais l'école, des coups j'avais la flemme. Je me sentais mieux dans ma lagune, mon père avait le seum. Je suis comme mon père, un homme de caractère. Je veille sur mes sœurs, je veille sur mes frères. Je suis comme mon père, un homme autoritaire. Un vaillant solitaire, un guerrier militaire. Je suis comme mon père, un homme de caractère. Je veille sur mes sœurs, je veille sur mes frères. Je suis comme mon père, un homme autoritaire. Un vaillant solitaire, un guerrier militaire. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Parfois, les gens sont mauvais dans une chose et ils vont te dire, toi aussi, laisse tomber. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Point final. Point final. Planète rap. 100% rap français. Et on reste du côté de Lyon avec Monsieur Paquito qui était là aussi pour cette nocturne lyonnaise. On l'écoute VL dans la nocturne 100% rap français. VL en LV, VL en LV, élevé dans la rue frère, dans quel monde vivons. VL en LV, VL en LV, élevé dans la rue frère, dans quel monde vivons. J'avais une eau qui sort de la street, dans la famine j'ai fait mon époque. Ici refrain, y'a rien de magique, la rue mon pote a ses codes. Demande à VR, on fait que du sale. Même si je te descends, y'a pas de dialogue. Dis pas que c'est pas vrai, ouais c'est tragique. Pour faire doser, y'a que la drogue. Je rappe nos vies, ouais je retranscris ma vie et toutes mes galères. J'ai une bonne vue, t'es pas mon ami. Je suis seul à faire mon salaire. Dealer Soso, y'a ta fin de pute. Comme Neymar, on marque des buts. Seul devant le but, je rentre pas comme Ben. Je suis seul au stud, défaut comme Ben. Comme Nelson, je vise mes rêves. Tous les jours de la semaine, c'est la grève. Les jaloux me jalousent, qui niquent leur mère, qu'elles en crèvent. Partant pour rafale mes ennemis, je leur ferai la guerre sans paresse. Chaque jour, Satan me nique la rie. Le rap, la drogue, les grosses fesses. On a fait des sauts, on a fait les faux. J'ai vu, j'ai vécu maintenant, frelo. Sur la vie de ma mère, je vais tout niquer. N'écoute pas ces rappeurs, écoute Milo. Ils sont sataniques, je peux pas nier, je peux pas nier. Non, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle m'a validé. Qu'elle m'a validé. Je me vois arriver calibre 10 maths. Mais tu demandes qui on est. Tu nous vois postiche de bon maths. Mais tu demandes qui on est. Tu nous vois les mettre à quatre pattes. Et tu demandes qui on est. qui que tu sois, tu nous connais, y'a pas de quoi dire la monnaie. Tu nous vois arriver calibre 10 max, mais tu te demandes qui on est. Tu nous vois boostige de bon mat, mais tu te demandes qui on est. Tu nous vois les mettre à quatre pattes, mais tu te demandes qui on est. Qui que tu sois, tu nous connais, y'a pas de quoi faire la monnaie. Les animaux sont énervés, je les ai trop fait patienter. Normal, pour débarquer, j'ai dû ôter la santé. Les balles ne font plus d'effet, à croire que la mort nous défie. Leur tête en guise de trophée, dis-moi de qui je me méfie. Je m'en fous, ce soir je fais la fête à mes ennemis. Sans foutre leur corps dans la mer avant demain midi. Sans doute, tu peux comparer ça à de la barbarie. Attends, t'as trop l'état, mais sans barbarie. Venez s'opposer à moi, spinner dans un baril. Je m'en bois les couilles, tout ce que c'est bâtardiste. Trop parler serait de l'avantardiste. T'es dans le futur, mais t'as 10 ans de retard. Que veux-tu que se dise, je suis avant-gardiste. Vous êtes sur ma liste, préviens les journalistes. Combat de titan, meurt à la mi-temps, faut être réaliste. Je prends le risque, je recherche. Si toi tu mises, vise pas la lune, mais la carte promise. Si t'as pas les thunes, faut que t'improvises. Faut savoir ce que tu vises avant de savoir ce que tu mises. Avant de savoir ce que tu mises. Arriver calibre 10 mat, mais tu demandes qui on est. Tu nous vois postiche de bon mat, mais tu demandes qui on est. Tu nous vois les mettre à quatre pattes, et tu demandes qui on est. Qui que tu sois, tu nous connais, y'a pas de quoi dire ta monnaie. Tu nous vois arriver calibre 10 mat, mais tu te demandes qui on est. Tu nous vois postiche de bon mat, mais tu te demandes qui on est. Tu nous vois les mettre à quatre pattes, mais tu te demandes qui on est. Qui que tu sois, tu nous connais, y'a pas de quoi dire ta monnaie. VL en LV, LV dans la rue frère. Dans quel monde vit-on? VL en LV, VL en LV, LV dans la rue frère. Dans quel monde vit-on? Vit-on? Dans quel monde vit-on? Vit-on? Dans quel monde vit-on? Vit-on? Rap français 100% explicit lyrics. La nocturne. Je le tincelle, je mets mon grain de sel, je me mets en sel. Je représente les frères qui souhaitent toucher le ciel, toucher l'oseille. Mélancolique et dur à la fois. Et vu d'où je sors, je peux bien me permettre de te garder la foi. Tu vois, dites-leur bien de se mettre, oui, un toit. Pour ceux qui croient, gang, pourra pas m'en sortir par cette voix. Ma voix transperce les enceintes chaque soir. Je sors, tu ferais mieux de t'asseoir quand j'ai le micro pour accessoire. Malgré que certains n'y croyaient pas ou y croyaient peu, n'ont pas octroyé le feu d'être peut-être un homme heureux. Dites-leur qu'ils rêvent, dites-leur que je le ferai à ma sauce jusqu'à que j'en crève. Dites-leur que les discours sont brefs, je lève le clève. En période de crise, on frise les pétages de plomb. Comme tu vois, c'est pas la joie, y'a ce que j'en crois. Ici, y'a rien de bon. Augmente le volume, proche de son, car je viens du bitume où y'a pas de thune. Que des illusions, toujours pas de solution. Ma raison a pris le dessus sur le pas. Je me pose trop de questions, peut-être parce que je viens d'en dessous, je viens d'en bas. Car je viens de là où c'est que. La quartier est triste, bien que les gens aient souvent fier à peur. Laisse-moi dire que c'est tard comme c'est dur. Laisse-moi dire que c'est rare de sortir des cigs avec des érafleurs. Si cette vie t'a mis de côté, frère, faudra rester fier, rester clair avant qu'on t'éclaire. Le temps passe presque comme un éclair. Pas le droit à l'erreur, pas le temps de faire, je crois que c'est clair. Second chapitre, ne fais pas le pitre avec cette vie où t'en paieras le prix, mais que t'en verras le fruit à t'en faire fuir. Mais les patates à cuire, c'est la patate en cuir. Beaucoup chavire quand t'as 30 piges, questionne sur un prochain venir. Trie, je te vis dans un triste décor. T'as vu, malgré ce qu'on a sub, mec, c'est pas nos comptes décor. Mais passons de façon sachée quand je n'attends rien d'eux. Je vais sur la ninté, n'est que les putes au micro 1, 2. Toujours présent pour foutre le feu, représenter au mieux ceux qui m'entourent. Et si tu veux, ça ira mieux un jour. Cours après les thunes, car ça qui peut devenir un secours. Je fais comme ces chiens, je reste là, mec, j'attends mon tour pendant que leur tourne. Je représente pas de game, pas ta boum, venu d'en bas, venu de là où on se bat, là où les gens se goument. Encore un jour de plus dans la piste, la merde, au lieu de me tirer à Dieu, me dis à plus comment, comment rester puissant. Car je viens de là où c'est dur, la carte est triste, bien que les gens aient souvent fier à peur. Laisse-moi dire que c'est tard comme c'est dur, laisse-moi dire c'est rare de sortir des cigs avec des érafleurs. Si cette vie t'a mis de côté, frère, faudra rester fier, rester clair avant qu'on t'éclaire. Le temps passe presque comme un éclair. Pas le droit à l'erreur, pas le temps de faire, je crois que c'est clair. Car je viens de là où c'est dur, la carte est prise, bien que les gens aient souvent fier à peur. Laisse-moi dire que c'est tard comme c'est dur, laisse-moi dire c'est rare de sortir des cigs avec des érafleurs. Si cette vie t'a mis de côté, frère, faudra rester fier, rester clair avant qu'on t'éclaire. Le temps passe presque comme un éclair. Pas le droit à l'erreur, pas le temps de faire, je crois que c'est clair. C'est la nocturne, 100% rap français, avec Corias à l'instant. Ex-dissident dans la nocturne. Le son de la nocturne continue encore pendant une petite heure, unique à découvrir. Son projet sortira le 29 septembre prochain. D'encre et de sang, il est aux côtés de Lino et Nak Mendoza. C'est ce qu'on va écouter maintenant. L'appétit des fauves dans la nocturne sur Skyrock. Planète rap. La nocturne. Sans savate, les lions de la savane, des purs sans sauvage, on consommait à coups de cravache. Nos vies ont le visage de petits gris, et la jungle dans laquelle on vit n'a rien de sel, de mougri. C'est pas aux vieux Saint-Jacques qui t'apprendra à faire la grimace. Ici-bas, les grands prédateurs sont décimés par la finasse. Aujourd'hui, les grands lions ne respectent ni la flore ni la faune. On troquait leur crinière contre une parure de fauve à faune. À force de déjouer la nature, on en subit ses foudres. Et la plupart des amis sont comme Scar, bien souvent faux. Nos quartiers revêtent parfois des allures de toundra. Tu tomberas plus sur des vautours que sur la patte d'envie de Pumba. On a des instincts primaires, plus qu'on descend du primate. Chez nous, les Amazones sont superficielles et seraient emblémates. Nos rues, c'est une jungle qui a tout de la banane. Et nos vies n'ont rien de drôle comme un sketch de Panama. On a la bêtise des fauves et des instincts spéciales. Sur la chaîne alimentaire, on est le modèle patriarcal. Si tu vas sous nos droits, t'éviteras pas notre gisement. Notre silence ne résonnera que dans un cimetière d'éléphants. On a la bêtise des fauves et des instincts spéciales. Sur la chaîne alimentaire, on est le modèle patriarcal. Si tu pars pour nos droits, t'évitera pas notre gisement. Notre silence ne résonnera que dans un cimetière d'éléphants. La loi de la jungle, c'est celle du talion. Ici bas, je prends du galon, je me débat fixé au bitume. Petit Simba devient roi lion. Y'a un cœur qui bat dans la brousse urbaine. On y a mis la terreur comme l'immigration cubaine. À Miami, l'erreur est humaine. Moi, j'ai aucune excuse, je suis un faux. Je pars en éclaireur, c'est pas une exclue, juste une info. J'accruste ma révolte avant que la mort me pince l'anneau. Je rappe en live d'une boucherie, écoute le silence des agneaux. J'entends le rire des hyènes, le cri des moineaux qu'on soupe. On braque leur BUTIN, ma musique voyage en soupe. C'est pour la France d'en dessous. Mon feu de piste l'encre pour les loups qui chassent en meute et se bouffent entre eux. Je me fais l'écho des savanes. Le feu, j'ai encore mille. Si Lyon pionce avec la gazelle, tu sais qu'il y aura du mal à dormir. C'est plus que réel, je vis loin des phares là qui tu sais. On rappe, on pisse dans la fontaine, ne blâme que mes faces si tu sais. On a la bêtise des fauves et des instincts spéciales. Sur la chaîne alimentaire, on est le modèle patriarcal. Si tu vas sous nos droits, t'éviteras pas notre gisement. Notre silence ne résonnera que dans un cimetière d'éléphant. On a la bêtise des fauves et des instincts spéciales. Sur la chaîne alimentaire, on est le modèle patriarcal. Si tu vas sous nos droits, t'éviteras pas notre gisement. Notre silence ne résonnera que dans un cimetière d'éléphant. Tarzan pousse des haltères, Indiana Jones touche les Aztèques, beaucoup de lézards, frère t'élèves, ton vie dans la zone. Élevé à la cœur fouet, pas esclave mais j'ai pris la mort d'un lion de plein fouet. Vivien fouet, j'ai mis mes études dans la cage au fauve, ici les sans-culottes c'est mougli. Et Mimi si tu les scratches, couvre les rugissements. Dis ça au DJ, avec ton t-shirt Christian ou DJ, tu ressembles au gibier. C'est là qu'est le malien, j'ai oublié. Ouais, y'a une panthère dans un légume, chien au gibier. C'est dans la faune, j'ai vu trop un 16, quand y'a des je sais plus si c'est un zèbre ou un zèbre. Fumigène pour les Israël. Ah, quand Tarzan n'est pas là, Chita. Fumigène dans une chicha. Oh, t'as le pied dans un piège. Ah non, t'as vraiment pas eu de bol. Dans la jungle, on dit qu'un lion ne meurt pas. On a la bêtise des fauves et des instincts spéciales. Sur la chaîne alimentaire, on est le modèle patriarcal. Si tu bats sous nos droits, t'éviteras pas notre gisement. Notre silence ne résonnera que dans un cimetière d'éléphant. On a la bêtise des fauves et des instincts spéciales. Sur la chaîne alimentaire, on est le modèle patriarcal. Si tu pars pour nos droits, t'éviteras pas notre jugement. Notre silence ne résonnera que dans un cimetière d'éléphants. On a la bêtise des fauves et des instincts spéciales. Sur la chaîne alimentaire, on est le modèle patriarcal. Si tu pars pour nos droits, t'éviteras pas notre jugement. Notre silence ne résonnera que dans un cimetière d'éléphants. On a la bêtise des fauves et des instincts spéciales. Sur la chaîne alimentaire, on est le modèle patriarcal. Si tu pars pour nos droits, t'éviteras pas notre jugement. Notre silence ne résonnera que dans un cimetière d'éléphants. Explicit lyrics.